Dieu a toujours existé, dans l'éternité passée et dans l'éternité future. Il est le Dieu éternel. Bonjour, les ministères En Contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Le psaume 100, verset 5, proclame « Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. » Ce verset est un des nombreux des Écritures à nous rappeler que Dieu ne change jamais, peu importe ce qui nous arrive ou ce qui se produit autour de nous. Dieu est cet être constant dans l'instabilité des choses humaines. Or, comme Charles Stanley nous l'explique aujourd'hui à En Contact, la nature éternelle de Dieu n'est qu'un des aspects de sa grandeur. Car Dieu ne change pas au gré des circonstances. Il n'est pas limité par le temps, ni contraint par une force naturelle. En quoi cela nous concerne-t-il? Restez avec nous pour entendre la réponse encourageante de Charles Stanley. Comment décririez-vous Dieu? Ne me parlez pas de ce qu'il fait ou peut faire, mais dites-moi qui il est. Quelle description en faites-vous? Qui est ce Dieu? Dans ce message intitulé « La grandeur de Dieu », je ne veux pas vous parler de ma conception de Dieu. Ce qui m'intéresse, c'est la description qu'il fait de lui-même. À quoi ou à qui se compare-t-il? Qui est ce Dieu que nous, chrétiens, disons aimer? Qui est ce Dieu que nous disons adorer? Qui est ce Dieu en qui nous disons placer notre avenir, notre éternité, cet avenir au-delà de la mort? Et rappelez-vous que la mort marque un point final du point de vue humain. Qui est ce Dieu en qui nous disons avoir confiance à la vie et à la mort? Premièrement, Dieu est une personne. C'est un de ses attributs. Beaucoup de gens considèrent Dieu comme une force invisible de l'univers avec laquelle nous entrons en interaction. Or, Dieu, selon ses propres dires, est une personne. En lisant sa parole, nous découvrons qu'à chaque fois qu'on fait référence à lui, on en parle comme d'une personne. Jésus-Christ parle de Dieu le Père comme d'une personne. Nulle part dans la Bible, on ne fait référence à Dieu comme étant ça. Dieu possède tous les attributs et les facultés d'une personne. Quels sont-ils? Une personne doit être douée d'intelligence. Elle doit être en mesure de penser et de raisonner. Elle a également des émotions pour être capable de ressentir les choses et elle possède une volonté pour pouvoir prendre des décisions. La Bible nous enseigne que Dieu nous a créés à sa propre image. Dans Genèse, chapitre 1, verset 26. Dieu possède assurément toutes les facultés d'une personne. Il a l'intelligence de penser. Il a décidé de créer le monde d'une certaine manière. Nous avons la preuve qu'il peut éprouver des émotions. La Bible rapporte que, quand il a créé le monde, il a considéré ce qu'il avait fait et a dit que cela était bon. Toujours dans le premier chapitre de la Genèse, verset 11. Ce qu'il avait créé lui plaisait. La Bible mentionne également sa colère et son amour. Dieu est également capable de se réjouir. Il possède aussi une volonté. Il a décidé de créer la terre. Il voulait nous bénir. Il voulait qu'Adam et Ève remplissent la terre et qu'ils règnent sur elle. Dieu est donc une personne. Il n'est ni une chose, ni une force impersonnelle. Dieu s'est révélé comme étant une personne de la Trinité. Il s'est révélé en tant que personne à plusieurs protagonistes de la Bible. Dieu s'est révélé à Moïse en ces termes dans le livre de l'Exode, chapitre 3, verset 14. « Je suis celui qui suis. » Jésus se révèle en termes similaires dans l'Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 58. « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Dieu s'adresse à nous de personne à personne. Il nous appelle ses enfants. Il nous appelle ses disciples. Il nous considère comme son peuple. Il n'est donc pas quelque chose, il est quelqu'un. Il est quelqu'un d'immense, de glorieux, de majestueux et de grandiose. Il est quelqu'un qui nous aime tous et qui désire pour nous ce que la vie peut nous apporter de meilleur, car il nous reconnaît comme étant ses enfants. Deuxièmement, En plus d'être une personne, la Bible nous rapporte que Dieu est esprit, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 4, verset 24. Vous demandez-vous pourquoi Dieu voudrait être un esprit? Pourquoi n'a-t-il pas un corps? Ne serait-il pas plus facile pour nous de l'adorer et de le glorifier s'il avait un corps? Pourquoi a-t-il décidé d'être seulement un esprit? Retournons dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 4, dans un passage où Jésus nous révèle la nature du Père. Il est assis près d'un puits et une femme surgit. Il commence une conversation. Elle est samaritaine, il est juif. Il lui demande de lui donner à boire, ce qui était inhabituel. En effet, les juifs et les samaritains ne se parlaient pas. Or, Jésus se met à discuter avec elle. Ils abordent le sujet de l'adoration de Dieu. C'est un sujet de conflit entre les juifs et les samaritains, car les juifs adoraient Dieu à un endroit et les samaritains à un autre. Ils se mettent donc à discuter de l'endroit le plus convenable pour adorer Dieu. Écoutez la réponse de Jésus dans l'Évangile de Jean, chapitre 4, versets 22 à 24. « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Quel but Jésus poursuit-il ici? Il s'agit d'apporter certaines précisions sur la nature et la volonté de Dieu. Sur sa nature, nous devons savoir que Dieu est esprit. Il n'est donc pas limité dans l'espace. Et si Dieu est esprit, il n'est pas confiné par un corps et il n'est pas forcé à rester dans un endroit spécifique. L'apôtre Paul nous enseigne dans son épître aux Romains, chapitre 8, verset 9, que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Le fait que Dieu est esprit lui permet d'habiter à l'intérieur de chacun de ses enfants. Dieu possède donc le don d'ubiquité, c'est-à-dire qu'il peut être partout à la fois. Il n'est pas limité à un point dans l'espace, parce que la Bible affirme qu'il est esprit. Dieu est esprit, pur et invisible dans sa nature divine. Jésus essaie de faire comprendre à la Samaritaine qu'il est inutile de dire qu'il vaut mieux adorer Dieu à un endroit plutôt qu'à un autre, car Dieu doit être adoré en esprit et en vérité, comme il est écrit dans la deuxième partie de l'Évangile selon Jean, chapitre 4, verset 24. Il faut que ceux qui l'adorent, en parlant de Dieu, l'adorent en esprit et en vérité. Dieu doit être adoré d'une manière qui convienne à un être spirituel. Il ne doit pas être adoré d'une façon charnelle. Car ceux qui partagent la même nature que le Père sont eux-mêmes esprits et ils adorent dans la vérité et non dans l'erreur. L'apôtre Paul fait référence à la même vérité lorsqu'il appelle ce genre de piété un culte raisonnable. Dans son épître aux Romains, chapitre 12, verset 2. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Comme il est lui-même une personne, il nous a créés en tant que personne, afin de pouvoir entrer en relation avec nous et que nous, nous puissions entrer en relation avec lui. Nous pouvons alors l'adorer, lui rendre gloire, honneur et louange. Et parce qu'il est esprit, il peut entrer en relation avec mon esprit et le vôtre. Quand nous prions, nous pouvons ressentir la présence de Dieu. Comment? Nous ne pouvons pas le voir ou l'entendre avec nos sens physiques, mais l'Esprit de Dieu se révèle et il s'exprime dans la vie de ses enfants. L'Esprit de Dieu s'exprime en notre présence. Dieu est présent en nous et nous sommes présents en lui. Voilà en quoi consiste le ministère du Saint-Esprit. Quelqu'un qui prie à des milliers de kilomètres de nous peut ressentir la présence du même Saint-Esprit que nous. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit et qu'il n'est pas limité par le temps et l'espace. Nous pouvons lui parler et communier avec lui dans un immense amour. Il est l'esprit qui vit et habite en nous. Il nous a scellés et nous lui appartenons. Nous n'aurons jamais à vivre un moment en son absence. Et même si vous n'êtes pas chrétien, vous êtes quand même en présence de Dieu. Dieu gouverne et supervise chaque personne et chaque chose. Or, les enfants de Dieu le servent consciemment et jouissent d'une relation avec lui. Dieu ne connaît aucune limite et aucune créature ne peut le limiter d'une quelconque façon. Troisièmement, Dieu est éternel. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 40, verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Il est totalement éternité. Qu'est-ce que cela implique? Regardons le psaume 90, versets 1 et 2. Seigneur, tu as été pour nous un refuge, de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées, et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Notre existence présente dans ce corps de péché est tellement courte, comparativement à certains autres éléments de la création, comme les étoiles, que nous pouvons nous faire difficilement une idée exacte de l'éternité. Quand Dieu a-t-il commencé? Il n'a pas de commencement. Et si nous envisageons le futur, quand Dieu finira-t-il? Jamais. Il restera éternellement Dieu. Contrairement à nous, l'existence de Dieu ne repose sur rien ni personne d'autre que lui-même. Il n'existe rien ni personne à l'extérieur de Dieu, car, si c'était le cas, cet être serait supérieur à Dieu. Personne n'est plus grand que Dieu et personne ne l'a créé. J'avoue ne pas comprendre comment Dieu peut être éternellement passé, présent et futur. Et aucun homme ne peut comprendre cela. Car, après sa chute dans le jardin d'Éden, l'homme a perdu sa capacité de comprendre la nature de Dieu. Que Dieu existe depuis toujours fait partie des choses que nous ne pouvons présentement comprendre. Dieu est, a toujours été et sera toujours. Dieu n'est pas limité par le temps ou l'espace. Il est éternel et dure à jamais. Prenons l'exemple des tentatives scientifiques pour percer le secret du début de l'univers. Certains scientifiques disent, il y a des billions d'années, il s'est produit cette énorme, gigantesque explosion. Admettons que cela soit vrai, même si, à l'intérieur du monde scientifique, cette hypothèse ne fait pas l'unanimité. Or, peu importe. Partons quand même de là. Commençons avec cette explosion. Avant cette explosion, il n'y avait ni temps ni espace. Il n'est pas facile d'imaginer l'existence avant le temps et hors de l'espace, mais admettons. Et de l'autre côté de cette explosion, que trouvons-nous? De la matière. Très bien. Et de l'autre côté de la matière, qu'y avait-il? Il est important de savoir ce qui se trouve de l'autre côté de la matière, car on ne peut reculer en arrière que jusqu'à un certain point. Et passé ce point, la science n'a plus aucune réponse. Or, il doit se trouver quelque chose au-delà de la matière, au-delà du temps et de l'espace, et ce quelque chose est quelqu'un. Il s'agit du Dieu éternel qui a toujours existé. Et à travers la Bible, il est vu comme le Dieu éternel qui dure à jamais, qui ne connaît ni commencement ni fin. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 8, Jésus dit « Je suis l'alpha et l'oméga ». Cela ne veut pas dire qu'il a commencé d'exister au point alpha et qu'il cessera d'exister au point oméga. Or, quand le temps et l'espace ont débuté, il était déjà là. Et c'est lui qui a mis les choses en marche. Et quand tout cessera, il sera encore là. Il est le Dieu éternel. Analysons maintenant ce que Jésus a dit de lui-même. Dans une discussion avec les pharisiens et les sadducéens, il leur dit ceci. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 56. « Abraham, votre père, a tressailli d'allégresse, à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Jésus leur dit qu'Abraham, qui a vécu plusieurs siècles avant Jésus, a vu son jour. Quand les pharisiens et les sadducéens ont entendu cela, ils se sont mis en colère et ont ramassé des pierres pour lapider Jésus, car il prétendait être éternel. Et pour eux, seul Dieu est éternel. Dieu est éternel, car il est esprit. Il est donc absolument sans limite et infini. Il est le Dieu éternel. Comme les chefs de ce monde sont téméraires quand ils parlent de ce qu'ils veulent faire et des peuples qu'ils veulent conquérir, ou quand ils se vantent des choses qu'ils peuvent accomplir. Il n'existe qu'un seul Dieu, et c'est lui qui donne aux hommes le pouvoir, et c'est lui qui le leur enlève. Dieu abaissera éventuellement tout tyran orgueilleux, égoïste et arrogant. Il est écrit dans Ésaïe 40, verset 15. « Voici, les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. » Lorsque Dieu dit que même les nations sont pour lui comme une goutte, alors le chef unique n'est rien à côté de la grandeur de Dieu. Et quand les nations lèvent le nez sur Dieu et le méprisent en disant « Dieu est mort » ou « Si Dieu existait, il ne permettrait pas cela », que sont-elles? Elles sont comme un puceron volant sur la surface de la planète, pensant influencer le cours de l'univers. Qu'est-ce que l'homme comparé à la puissance de Dieu? Rien. Or, Dieu a décidé de faire de nous ses fils et ses filles parce qu'il nous aime. Et comment nous a-t-il prouvé son amour? Avec la croix. Dieu s'est révélé tel qu'il est vraiment. Il est ce Dieu infini, redoutable, qui gouverne toutes choses. Quatrièmement, Dieu est immuable. Dieu ne change pas. Sa parole est immuable. C'est ainsi qu'il se révèle. Dans Malachie, chapitre 3, verset 6. « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. » Cela signifie que Dieu ne change pas. En vérité, beaucoup de ce que nous croyons en tant que chrétiens dépend de l'immuabilité de Dieu. Il a conclu une alliance avec son peuple. Cette alliance contient des promesses. Et puisque Dieu ne change pas, il tiendra ses promesses. Malgré l'infidélité et l'endurcissement de son peuple, Dieu tiendra ses promesses et ne consumera pas son peuple. Cet attribut de Dieu est rappelé dans l'Épître de Jacques, chapitre 1, verset 17. « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Rien en Dieu ne change. La vie serait horrible pour nous si Dieu décidait de changer. Nous savons par exemple que Dieu est saint, aimant, bon, gracieux et bienveillant. Nous connaissons un Dieu qui nous a fait de magnifiques promesses en réponse à nos prières. Il nous a dit qu'un jour son Fils Jésus-Christ reviendrait nous chercher afin que nous vivions avec lui pour l'éternité. Il est écrit dans Jean chapitre 14, versets 2 et 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Notre espoir en tant que chrétien repose sur le fait que Dieu ne changera pas d'idée. La même promesse est également garantie dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand vous priez, pourquoi pensez-vous que Dieu répond à vos prières? Bien sûr, il ne répond pas toujours comme nous le voulons, car nous ne demandons pas toujours les bonnes choses, mais il écoute toujours nos prières et il les prend en considération. Pourquoi? Parce qu'il est dans sa nature d'écouter ses enfants. Et cette nature ne changera pas, parce qu'elle ne s'appuie pas sur notre amour pour lui et notre fidélité envers lui, mais sur son amour pour nous et sa fidélité envers nous. Toute notre foi est fondée sur l'immuabilité de Dieu. Car si Dieu changeait, ne serait-ce d'un poil, notre foi serait inutile et vaine. Or, comme il est immuable, nous n'avons qu'à prendre sa parole, la Bible, et dire « Voilà ce que Dieu dit. Voilà comment il est. » Si nous observons les lois, les règles et les principes de ce livre, si nous acceptons d'obéir au Dieu Tout-Puissant, que se passera-t-il? Nous connaîtrons la vérité qui nous permettra de vivre et de mourir en Dieu. Car notre foi ne s'appuie pas sur de vains espoirs, mais sur la connaissance immuable d'un Dieu fidèle. Car voici ce que la Bible nous enseigne. Dieu n'a jamais violé aucune de ses promesses. Et personnellement, cela me suffit pour continuer à croire pour l'éternité que, si Dieu n'a pas changé pendant les siècles qu'ont exigé la rédaction de la Bible, il ne changera pas aujourd'hui, et il ne changera jamais. Je n'ai donc pas à m'inquiéter pour l'avenir, puisque je sais qu'il restera avec moi. Laissez-moi vous poser quelques questions. Connaissez-vous Dieu personnellement? Vous connaît-il personnellement? Connaissez-vous un Dieu que vous pouvez appeler Père, parce qu'il possède toutes les qualités d'un Père parfait? Connaissez-vous un Dieu qui demeure toujours avec vous, parce qu'il est esprit? Connaissez-vous un Dieu infini dans tous les aspects de son être? Connaissez-vous un Dieu éternel, sans commencement ni fin? Connaissez-vous un Dieu absolument et totalement immuable et fidèle en toutes circonstances? Si ce n'est pas le cas, je vous encourage à prendre en considération l'idée de commencer une relation avec le Dieu dont je vous ai parlé aujourd'hui. Ce Dieu infini en puissance, éternel dans son être et absolu dans sa fidélité qui ne change pas. Alors que j'étais agenouillé, en train de prier pour préparer ce message que vous entendez présentement et que je réfléchissais à la grandeur de Dieu, j'ai senti mes yeux se remplir de larmes. Pourquoi? Parce que je pensais au fait qu'il m'avait sauvé quand j'avais 12 ans. Je pensais aux milliers de prières que je lui avais adressées et auxquelles il avait répondu. Je pensais à sa bonté, à sa tendresse, à sa grâce, à son amour et à son pardon que j'expérimente encore et toujours. Je pensais à ce Dieu qui me fait connaître sa présence, qui parle à mon cœur, qui me laisse lui parler en m'assurant de son écoute et qui m'aime inconditionnellement. Comment pourrais-je décider de ne plus l'adorer, de ne plus l'aimer, de ne plus lui obéir dans la mesure des capacités qu'il m'a données? Comment pourrais-je faire autrement? Et cela n'est qu'un petit aperçu de la grandeur de Dieu. Or, je dois vous demander maintenant, si vous n'avez jamais fait confiance en Jésus comme votre Sauveur, vous n'avez rien. Car, comme Jésus nous le rappelle dans l'Évangile selon Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Si vous êtes disposé à demander au Seigneur Jésus-Christ de pardonner votre péché, il vous purifiera. Il vous baignera de son sang, le sang de l'agneau qu'il a versé pour vous sur la croix du calvaire. Votre vie sera alors transformée. Et non seulement votre vie, mais votre destinée éternelle changera du tout au tout en une fraction de seconde, en un clin d'œil. Vous avez reçu l'offre d'un Dieu qui ne changera pas. À vous d'en profiter. Prions. Père, nous sommes tellement indignes de parler de toi, indignes d'ouvrir ce livre qui contient ta parole, indignes de dire au monde combien tu es grand. Père, je prie que le Saint-Esprit parle à chacun de tes enfants pour nous dire ce qui, dans notre cœur ou dans notre vie, te déplaît. S'il se trouve dans notre vie une idole qui nous empêche de t'adorer, de t'aimer, de te glorifier et de t'obéir convenablement, chasse-la loin de nous, quoi qu'il en coûte. Enseigne-nous à regarder en nous et à reconnaître que tu es tout et que nous ne sommes rien, mais que tu as fait quelqu'un de chacun de nous, parce que tu es un Dieu bon. Nous demandons ces choses au nom de Jésus-Christ et pour sa gloire. Ainsi soit-il. Devant l'immensité de l'univers, l'homme est pris de vertige et cherche désespérément à y trouver sa place. Selon les dernières données scientifiques, non seulement l'univers est-il beaucoup plus vaste que l'on supposait, mais les théoriciens du Big Bang avancent maintenant que jusqu'à 90% de la matière de l'univers serait invisible. Je le répète, 90% de la matière qui compose l'univers serait invisible. L'observateur impartial devra admettre qu'il est ici devant un véritable acte de foi. Je dis sans ironie, dans le sens où la Bible définit la foi dans Hébreux chapitre 11, verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le temps où la science pouvait prétendre n'être concernée que par l'observation rigoureuse des faits est bien révolu. Bien sûr, les scientifiques s'empressent d'ajouter que, même s'il est vrai que cette matière est invisible avec les instruments dont nous disposons aujourd'hui, certaines observations cosmologiques tendraient à en prouver indirectement l'existence. Or, questionner à savoir si l'interprétation de ces observations est certaine à 100% et qu'elle est la seule valable, l'homme de science doit répondre par la négative. Car depuis environ un siècle, dans le domaine de l'infiniment grand, comme dans celui de l'infiniment petit, les vieilles certitudes de la mécanique classique ont été remplacées par le calcul des probabilités de la mécanique quantique. De plus, la science remet en question sa capacité à décrire une réalité absolue complètement détachée de la perspective de l'observateur. Cette saine humilité laisse entrevoir un terrain d'entente entre l'homme de Dieu et l'homme de science. Mais attention, l'humilité ne s'exprime pas de la même façon. L'homme de science dira « La vérité absolue n'existe pas. Ce que je tiens aujourd'hui pour vrai pourra être complètement faux dans un siècle ou même dans 10 ans. » L'homme de Dieu, lui, affirme « La vérité absolue et immuable existe, mais elle est inaccessible à l'homme. Seul Dieu la possède et il en révèle des parcelles à l'homme selon sa volonté. » La question est de savoir « Que voyez-vous lorsque vous élevez vos yeux vers les étoiles? » Moi, je sais que je passerai l'éternité avec ce Dieu qui m'a tant aimé. Et vous, où voulez-vous passer la vôtre? En quoi ou en qui avez-vous placé votre foi? Tant qu'il reste un souffle de vie en vous, il n'est pas trop tard pour rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû, mais un jour, il sera trop tard, comme l'affirme Romains, chapitre 14, versets 10 à 12, « Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu, car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou, fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Vous avez faim? Vous avez soif? Votre estomac est vide? Votre cœur aussi? Les déjeuners de l'espoir peuvent remplir l'un comme l'autre. Un repas délicieux vous sera servi. Ensuite, vous pourrez entendre comment Jésus a transformé la vie d'une personne qui demeure près de chez vous. Peut-être est-ce un voisin, un ami ou un parent. Venez voir. Contactez-nous au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en Contact et une production de Radio Espoir.